Dossier 5, livre page 58. Savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous? On les plante avec les pieds. À la mode, on les plante avec les pieds. À la mode de chez nous.